laisse un poil trop minimal, pas vraiment impeccable. Mais il semble parfois indéniable que cela soit supportable. Certains me disent indémisable de me rendre incapable. Je pensais devenu un minable, on me l'a que trop dit. Trop souvent je me nappe, trop souvent je m'esquive. Je suis un peu désinhibé, un peu trop obsédé. Convient de ne pas m'en demander ce cause d'être diminué, diminué. Je pensais devenir un minable, on me l'a que trop dit. Trop souvent je me nappe, trop souvent je m'esquive. Je profite de mes âmes et j'oublie ton mépris. Je suis pas très phénoménal, parfois même très vénal. Pas assez responsable pour qu'à ton tour tu m'accables. Il convient de ne pas déprimer dans cette activité. Et penser qu'un jour mes années pourraient me rattraper. Ah, tu penses que je suis un minable, tu me l'as que trop dit. Trop souvent ça m'énerve, trop souvent tu m'esquives. Je profite de mes années, ils ont mes interdits. Je pensais devenu un minable.